بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ Je pose la question à Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله concernant la marque sur le front. Certains, avec les années, à force de faire as-sujoud, ils ont une trace sur le front, une marque. Est-ce que cette marque, c'est min alamat as-salihin? Est-ce que c'est une marque qui montre la piété de cet homme ou cette femme? Qala rahimahullah, laysa hada min alamat as-salihin. Contrairement à ce que certains ils pensent, hada c'est pas un signe de piété. Pourquoi? Qala walakin al-alama hiya an-nur alladhi yakun fi al-wajh. Al-alama, le signe de la piété, c'est cette lumière qu'il y a dans le visage du croyant. Qala wa inshirah as-sadr, il est épanoui, il est patient sur les autres. Qala wa husn al-khuluq, le bon comportement. Wa ma ashbaha dhalik, c'est ça les signes de la piété. Kadhalik, la fermeté sur la vérité, kadhalik, faire as-salat à l'heure, kadhalik, faire des efforts fil ilm, mettre en application les bons comportements comme qala ash-shir, s'entraider avec ses frères musulmans fi al-haq. Aimer les croyants, détester les kafara. Tout ça, c'est des signes de piété. Amma, cette marque sur le front. Fakama qala al-shir. Qala, amma al-athar alladhi yusabbibuhu sujoud fil wajh. Amma, cette marque qui est causée à cause de la prosternation. Faqad yadhhar fi wujuh man la yusallun illa al-fara'id. Li riqqati al-jild wa hassasiya 'indahum. Amma, cette marque, kama qala al-shir rahimahullah, et c'est vrai. Al-Nalbad, ils font que les 5 salats obligatoires, sans ajouter d'autres salawats, Al-Rawatib, Al-Duha, Al-Qiyam, Al-Layl, etc. Et malgré cela, ils ont cette marque. Et d'autres qui font beaucoup plus d'efforts, ils font Qiyam, Al-Layl, ils font les 5 salats obligatoires, ils font Al-Rawatib, ils font Al-Duha, Al-Witr, etc. Et malgré cela, ils n'ont pas cette marque. Pourquoi ? Qala li riqqati al-jild. Pourquoi ? Parce que certains, leur peau, elle marque très très vite. Aw hassasiya. نعم certains ont la peau fragile. قال وقد لا يظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود. كذلك ça dépend de l'endroit où tu fais salat. Certains مثلا ils vont dans un masjid où le al-hasir il est assez dur, d'autres c'est un tapis qui est très moelleux, etc. فلا شك ان celui qui fait as-salat dans une surface dure, ça pourra marquer son front beaucoup plus vite. Donc ça nous montre ان c'est pas هذا le al-mizan, c'est pas comme ça qu'on reconnaît la piété. Wa Allahu a'lam. Wa hunak, ou plutôt qad yaqul qa'ilun qawluhu 'azza wa jalla simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Comment tu peux les reconnaître? Fa wahid peut se dire le athar huna il est cité clairement dans ce verset. Lakin pour comprendre les textes, on doit revenir à ahlul 'ilm. L'imam de Kathir rahimahullah ta'ala qala 'inda al-aya dans son tafsir. قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن. même si la riwaya de ابن أبي طلحة عن ابن عباس فيها ضعف، لكن كثير من المفسرين لا cite لا شك هنا أن المعنى لي صحيح. le sens il est correct. السمت الحسن le bon comportement. c'est ça قوله عز وجل سيماهم في وجوههم. tu les reconnais comment? Avec le bon comportement. قال وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع. D'autres imams, ils ont dit que tu les reconnais comment? Avec الخشوع والتواضع, la modestie. كذلك le bon comportement. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثني علي ابن محمد الطنافسي هكذا ضبطه بالضم. قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. donc مجاهد رحمه الله il a expliqué le verset par الخشوع. الخشوع c'est le fait de se recueillir. tu vois ce mu'min calme, concentré في العبادة, modeste, un bon comportement. فمجاهد il a expliqué le verset par les bons comportements. قلت donc واحد il lui a posé la question ما كنت أرى إلا هذا الأثر في الوجه. Un homme, il lui a dit, je pensais que c'était la marque sur le front. Et beaucoup de gens, ils pensaient cela. فقال, ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. مجاهد il a dit, certains ils ont cette marque sur le front, ils ont le cœur aussi dur que Pharaon, que Pharaon. فهذا الذي أردنا أن تنبيه أن cette marque sur le front, c'est pas forcément dû à la piété. Ça veut pas dire que tous ceux qui ont cette marque, c'est pas des hommes pieux, abedan. Certains c'est des hommes pieux, des savants et tellement qu'ils font salat, à force ça, il y a cette marque. Naam, lakin, c'est pas suffisant. Ne pas croire à chaque fois quelqu'un a cette marque, c'est forcément un homme pieux. Celui qui n'a pas cette marque, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de salat. Abedan. Hada, wallahu a'lam. Falhamdulillah, naktafi bihada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.